16 ans. L'esprit donne plus de force, le soleil suit la verse, le cœur noirci pour les sous, pas pour une carte. Tout ce qu'on a pris, on l'a volé, on a des couilles, donc on le garde. Never bodyguard, j'ai le couteau, j'ai pas trop de gars. La prison, les années, les morts et les cas, là au barreau, ça parle en Ingala. J'ai un détroit, t'es normal, j'suis une galère. Couteau, caquette, patate, molar, 30 ans passé, Rolex, Patek. La maman est peinée, elle pleure quand t'es pas là, le cœur embouté, tout le monde y veut tailler. C'est la caille, 9-3 au caillou, des paris au cahier, nos volants une paillette, c'est fini l'emporio. Le patron était un employé à longtemps, mais un début à tout. Donc à Dubaï, on a décapoté, oh le fou quoi, j'en suis pour moi, j'dois finir premier, c'est un tournoi. Le cœur est en métal pour monter, faut le montant, les palettes au volant, la grisaille, la volaille, des ferrés à Versailles, pour ça qu'on a versé. Sa folle, je connais très peu de versés. Chaque fois que je sors, y'a un frère qui tombe, millionnaire ou bien je fleuris une tombe. Même la nourrice, lui, on connaît 6 mois, et les petits attendent après le colissimo. On prie vers le ciel, mais c'est l'argent qui domine. Elles sont deux et je les fourre après deux lignes. Depuis tout petit en bas, avant le venin dans mes yeux, tu vois que la situation s'envenime. Trop de ice et le cœur, il est froid, et la coque tourne plus qu'à la fac de droit. Sors un pack de 6, on les prend par 3, par 4, nos droits, eux, les bafous, je crois. Elle est bonne, envoie-lui un chauffeur. Y'a des hops, envoie-leur un shooter. De la poudre, un objet ovale, ce qui frappe chez toi, c'est pas des témoins de Jéhovah. J'dois juste poser un 16, c'est rien. J'suis dans la cabine comme une césarienne. Hôtel Crillon a crié, Dieu valait que c'est la mienne. La colère en nous, t'es un chelou qui t'a ramené. Snowfall comme dans la série, les plus bonnes en remis. La galère à la thune, c'était Roma. J'viens de se froncer la pleure des séries. Tout le monde il a serré, balanger te sauvera, merde. Finir au bord de la mer, à mourir au bord de la main. Plein de l'eau, peu d'amis pour le bif bientôt. Pour les miens, y'a le 9 rondo. L'avocat peut s'appeler Jérémy. On a cru, on est allé. T'es jaloux, t'as pas dit, t'as caché tes yeux dans un petit sac à dos. L'ami de ennemi devant la mêlée. C'est qui va te faire la mon jean, elle soit pleine, archi pleine. Y'en a congelé leur cerveau, maintenant ils font grave de la peine. J'm'occupe ma mère, mon fils, ça me rend fier, archi fier. Mais demain, j'dois retrouver un con à qui j'dois casser la gueule. Putain, yeah. Avec le temps, j'ai des amis en moins. J'combats les démons qui sommeillent en moi. Ces bâtards veulent nous asservir. Mon gun et mon bord ont déjà servi. J'suis dans le fer avec ta Uzi. Trop deep et les blessures sont pas visibles. On sait tout de suite que t'es pas d'ici. On a des balles, 20 des paquets de 10. Et j'ai pas de fer, un dessin. J'suis en CR, un 2-5. Et le compteur, 2-50. Scène de crime, elle est sanglante. Et j'ai pas de fer, de dessin. J'ai en silence, comme une descente. J'les vois monter, j'les vois descendre. Gun est gelé, comme en décembre. Yeah, yeah, yeah, yeah. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, toujours sur la capitale du crime radio. Da Uzi était dans les studios ce soir. En pétard, Da Uzi en pétard. Yeah, yeah. Toujours des exclus, toujours de la nouveauté. Toujours de la bagarre. Encore et toujours de la bagarre. Et toujours sur capitale du crime radio volume 2. A tous mes frères au placard. Ayant coupe le sang. Balance-moi cette merde.